deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du 19e siècle. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir entendu hier Pierre Saint-Garavelou et Christophe Charles réfléchir à haute voix aux difficultés qu'il y avait aujourd'hui à envisager ce 19e siècle, à la fois dans le temps et dans l'espace, et avant demain de nous intéresser aux guerres au 19e siècle et jeudi à l'objet et à la matérialité du 19e siècle, eh bien aujourd'hui partons avec Anaïs Quin et Anne Fleury en plein cœur du Second Empire quand Suzanne et Émile se marient le 5 avril 1864. C'est un mariage mondain, mais un mariage mondain qui pose problème à la société du temps. C'est ce que nous raconte On se moque de Dieu, les contrariétés d'un mariage mixte sous le Second Empire, avec les analyses de Vincent Gourdon, de Cyril Grange, de Jacques-Olivier Boudon, de Xavier Bauduit et de Thomas Boucher. Le Mémorial diplomatique, journal politique, littéraire et financier, 1er mai 1864. Voici que la mode revient à un genre de réception fort goûté autrefois et tombé en désuétude depuis plusieurs années. Nous voulons parler des matinées musicales et dansantes. Sans doute, les beautés mûres dont les prétentions s'accommodent mal de l'éclat trop vif d'un jour indiscret ne partageront pas notre sentiment. Mais nous trouvons un charme particulier à ces réunions diurnes. Elles ont un je ne sais quoi de frais, de gai, de printanier qui repose des fêtes à bougies. Nous ne saurions choisir d'exemple plus concluant à l'appui de cette appréciation que la matinée donnée lundi dernier par M. Émile Perrer à l'occasion du mariage de son fils aîné avec Mlle Suzanne Chevalier, fille de l'honorable député de ce nom et nièce du célèbre économiste qui siège sur les bancs du Sénat. Les magnifiques appartements du rez-de-chaussée et le jardin avec lequel il communique de plain pied étaient remplis des personnages les plus considérables du monde de la diplomatie, de la politique, de l'armée, de la finance, des lettres et des arts. Très peu d'hommes s'étaient affranchis de l'esclavage du frac noir. Mais les femmes portaient des toilettes de ville très élégantes et très variées. Bon nombre étaient coiffés du chapeau de fantaisie adopté pour les bains de mer et la campagne, dont la façon cavalière sied à merveille au joli visage. Dans le jardin, un petit parc en plein Paris, le temps avait fait galamment les choses. La journée était radieuse. La mariée, très charmante sous sa parure blanche d'une exquise simplicité, a eu le plus grand succès. À 6 heures, les nouveaux époux sont partis en poste pour le château que la famille Perrer possède à Arminvilliers et où les attendait une fête villageoise. Hyménée, Hyménée ! Il est juif, elle est catholique. En tout cas, leurs ancêtres s'inscrivaient dans ces traditions religieuses. Suzanne Chevalier et Émile II Perrer sont le centre d'attention de ce salon parisien du Second Empire qui les célèbre en tant que jeunes époux. Mariés un mois plus tôt, ils ne se doutent pas que leur cérémonie de mariage va attirer les foudres romaines sur le clergé parisien. Les mariages mixtes se font bien trop nombreux au goût des délégués du pape et menacent la suprématie de la religion catholique en France, déjà bousculée par les fâcheuses tendances cosmopolites de son empereur Napoléon III. Avant la Révolution française, l'autorité de l'Église sur le mariage rendait la vie bien difficile à tous ceux qui n'entraient pas dans la catégorie « bons chrétiens ». En témoignent les mésaventures de Talma, acteur le plus célèbre de son temps, qui avait dû se plier à toutes sortes de négociations pour pouvoir enfin convoler aux côtés de Julie Caro, à peine 2 semaines avant que celle-ci n'accouche de leurs jumeaux. L'Église estimait ces mœurs infâmes indignes de recevoir le sacrement du mariage. Depuis, les révolutionnaires avaient repris la main et confié la responsabilité d'unir les couples à l'État plutôt qu'aux instances religieuses. Mais quelques décennies plus tard, l'instauration du mariage civil et la perte de son autorité en la matière restent pour l'Église catholique une pilule bien difficile à avaler. Malgré tout, il va bien falloir s'y faire. Les hommes et les femmes se marient désormais sans Dieu, ou presque, tant qu'ils se marient. On se moque de Dieu, les contrariétés d'un mariage mixte sous le Second Empire. Un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Anne Fleury. venez, on va se rapprocher de la plaque. Donc Émile Pereire, Isaac Pereire, on est juste là sur le boulevard Pereire et c'est intéressant parce que les Pereire, sous le Second Empire, connaissent l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, on va dire bon teint, traditionnel, c'est pas encore l'antisémitisme intellectualisé comme il va y avoir à la toute fin du 19e siècle avec notamment Édouard Drumont. Et ce qui est rigolo, c'est que le boulevard Pereire, durant la Seconde Guerre mondiale, devait être débaptisé pour s'appeler boulevard Édouard Drumont. Donc ça bouclait la boucle et on voulait effacer même la marque des Pereire. C'était logique, hein, c'est la politique de Vichy, dans le paysage urbain. Ça ne s'est pas fait. Les Pereire sont toujours restés là et il y a toujours le boulevard Pereire avec la promenade Pereire. Alors on se trouve dans cette promenade Pereire, Xavier Mauduit, parce que cette famille Pereire a marqué l'histoire de Paris, mais globalement l'histoire de France sous le Second Empire. Pourquoi cette famille est-elle si importante et pourquoi l'a-t-elle généré un tel scandale autour du mariage d'un de ses enfants, Émile II, et de cette mademoiselle Suzanne Chevalier en 1864? Mais c'est un très bon choix, ce mariage, parce qu'il est un nœud au cœur du Second Empire. On est en 1864, le Second Empire, on va dire, est à son apogée. Pour certains, c'est 1860, pour d'autres, c'est un peu plus tard. Mais on est dans ces années, vraiment, où Napoléon III sait qu'il va pouvoir garder le pouvoir. Ça fait longtemps qu'il est là et tout se passe plutôt bien. La famille Pereire, elle, est en France depuis plus longtemps que Napoléon III. Ben oui, parce que lui, avec ses tentatives de coup d'État, il faut le dire, un petit peu foireux, avait terminé en prison ou en exil en Angleterre. Les Pereire, eux, sont en France sous la monarchie de Juillet. Déjà, ils contribuent aux premières lignes de chemin de fer, hein, le Paris Saint-Germain en 1835. Avec toujours ce problème, ils sont juifs, donc ils ne peuvent pas être partie prenante des élites de la monarchie de Juillet. Et le Second Empire va avoir cette faculté, parce que ça dure longtemps, le Second Empire, on est sur une vingtaine d'années, d'intégrer tout doucement toutes les élites de toutes les noblesses, hein, que ce soit les légitimistes, les orléanistes, et évidemment la noblesse impériale, mais aussi les élites de la finance, la banque, évidemment, on pense aux Pereire, et de l'industrie, et là, les Pereire, encore une fois, ne sont pas loin. Et ils ont cette force de réussir avec leurs idées politiques, et là, ils sont proches de Saint-Simon, à retrouver d'autres élites, notamment Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, ou la famille Chevalier. Et l'alliance Pereire-Chevalier marque vraiment, dans la politique impériale, j'ai envie de dire, un syncrétisme. Syncrétisme qui est à la fois social, mais aussi politique. Et globalement, une vision générale de la société. Mariage célébré en l'église Saint-Philippe du Roule, le 25 avril 1864, à 11h du matin. Acte de mariage d'Émile Rodriguez Pereire, ingénieur civil, né à Paris, le 23 février 1840, y demeurant avec son père et sa mère, 35 rue du Faubourg Saint-Honoré. Fils de Jacob Émile Rodriguez Pereire et Herminie Rodriguez Henriquez. Et de Suzanne Elisabeth Jeanne Chevalier, sans profession, née en la paroisse de Leeds, Angleterre, le 17 avril 1845, demeurant à Paris, avec ses pères et mères, 19 rue de Rivoli. Suzanne est la fille d'Auguste. Fille mineure Suzanne, de Guillaume Auguste Chevalier. Émile. Et de Sarah Suzanne Armstrong. Émile est le fils d'Émile, donc le plus souvent appelé Émile II, et Suzanne est la fille d'Auguste. Donc ses deux frères, Michel et Auguste, ce sont tous les deux des têtes extrêmement bien pleines. Il y en a un qui a fait l'école normale supérieure, l'autre qui a été major à Polytechnique. Cyril Grange. Ils sont tous les deux séduits par les théories du saint-simonisme qui relèvent de l'économie, même si Auguste fera partie de l'équipée de Ménilmontant, Michel aussi d'ailleurs. Michel va faire un an de prison à ce moment-là, et puis ensuite ils vont rentrer dans des carrières de hauts fonctionnaires, de grands dirigeants. C'est comme ça que ça se passe du côté des chevaliers. On est face finalement à deux frères qu'on pourrait appeler des grands commis de l'État. Alors en face, on a donc les deux frères Pereire qui, eux, ont une origine modeste. Leur grand-père a été un instituteur pour sourds-muets au XVIIIe siècle, célèbre, qui a bénéficié d'une pension de la part de Louis XVI, mais il n'a pas fait fortune. Le père des deux frères est mort assez vite, à Bordeaux. Et donc les deux frères montent à Paris en 1822 et en 1823, et eux, à l'inverse des chevaliers, ils se font eux-mêmes, entre guillemets. Ils sont aidés en cela par leur cousin Olinde Rodrigue. En fait, ils habitent chez leur oncle et donc côtoient à ce moment-là leur cousin Olinde Rodrigue, qui est un grand mathématicien et qui est, lui, un adepte, entre guillemets, du saint-simonisme. Et c'est de cette manière-là que les Perret rencontrent les chevaliers et que se constitue cette histoire. Ce sont deux familles qui connaissent leur heure de gloire au XIXe siècle. Thomas Boucher. Qui s'enrichissent, qui s'engagent dans des démarches, des processus d'alliance matrimoniale, de structuration de réseau, et qui sont amenés à se rencontrer assez logiquement. C'est le cas pour Michel Chevalier et les Perret dès le début des années 1830. Et pourquoi se rencontrent-ils, dans quel cadre ? Parce que Michel Chevalier est polytechnicien, ingénieur, et que les Perret ont besoin d'un regard comme le sien pour s'engager dans une de leurs premières grandes aventures, qui est celle du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Chevalier devient conseiller technique et une relation s'instaure, une vraie solidarité, une vraie alliance et un travail en commun dans le grand processus d'industrialisation de la France. Donc sous le Second Empire, le saint-simonisme a cessé de vouloir changer le monde de manière frontale en tout cas. Voilà, à mon avis, Antoine Picon, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, se demande si ces saint-simoniens du Second Empire sont des saint-simoniens rassasiés. Par le Second Empire ? Par la réussite, par l'opulence, par la puissance. Faut pas oublier que Chevalier joue un rôle essentiel dans la vie du Second Empire, à la fois dans l'histoire des combats pour le libre-échange, dans l'organisation des expositions universelles, et puis l'empereur l'écoute. De la même manière, les Perret sont en 1864, à un moment extraordinaire de leur aventure collective. C'est le chemin de fer, c'est vrai, mais c'est la grande compagnie générale transatlantique. C'est en 1864 que l'impératrice Eugénie, un très très grand navire, un paquebot mixte, hein, à voile et avec aussi une propulsion à la vapeur, sort des chantiers de Penouette juste à côté de Saint-Nazaire. Voilà, ce sont les Perret qui sont derrière. Et puis les deux frères Perret, Émile Isaac, en 1863, entrent au corps législatif. Ce qui est une vraie reconnaissance politique. De la même manière, les Perret viennent de faire construire à Armainvilliers, pas très loin de Paris, tout près des domaines des Rothschild, un magnifique château. Bayonne, 1856. Lettre d'Émile Perret à sa femme Herminie. Hier lundi, j'ai été me promener à Biarritz. Je revenais après mon déjeuner lorsque l'empereur est arrivé derrière moi à cheval avec tout son cortège. Il était en costume de général et se rendait à Bayonne pour passer une revue. Dès qu'il m'aperçut, il arrêta son cheval, pourtant lancé au galop, pour me dire qu'il m'attendait à dîner à 7 heures. Je le remerciai et il partit. Le soir, nous étions 25 à table. Il y avait principalement des généraux et les colonels du régiment présents à Bayonne. Le dîner se passa comme tous les dîners officiels. On causa ensuite jusqu'à 9 heures, puis l'empereur et l'impératrice se retirèrent. C'était le signal du départ. J'étais en train de m'en aller lorsque l'empereur entra dans le salon pour me dire qu'il avait à me parler. Il se dirigea dans son cabinet en traversant un second salon où se trouvait l'impératrice qui dansait. Je le suivis, sans trop savoir ce que cela signifiait. Il ferma le portail et entama très amicalement une conversation sur les affaires générales et les chemins de fer. Elle était trop importante pour que j'en consigne ici le détail. Cela dura trois quarts d'heure. Nous rentrâmes dans le salon où nous trouvâmes l'impératrice, ses dames et ses aides de camp jouant à cache-cache. Je revenais sur mes pas lorsque l'empereur me dit d'entrer avec lui. Nous étions les nouveaux venus. On commença à mettre l'empereur en pénitence pour avoir à chercher la personne que l'on cachait. Puis ce fut mon tour, et ensuite celui de l'impératrice. À minuit moins le quart, je me retirai au moment où on allait prendre le thé. Je te donnerai à Paris tous les détails de cette soirée qui a été très gaie. Un peu pressé, je t'embrasse, tout à toi. Émile Perret. Post-scriptum, l'empereur est favorable au chemin russe. Du point de vue de la famille Pereire, Cyril Grange, quelle a été la stratégie de cette famille juive séfarade d'intégration aux élites de ce Second Empire ? Alors moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un désir d'intégration. C'est un peu la tarte à la crème, cette formulation, excusez-moi, je vous le dis. Non, je pense que les Pereire, les Chevaliers se connaissent depuis 30 ans, ils se fréquentent et il se trouve que leurs enfants se marient. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas particulièrement de la part des Pereire, il y a eu un tel désir, entre guillemets, d'intégration et que ça passait par le mariage avec des catholiques. 20 février 1864. Lettre de Michel Chevalier à Émile II. Mon cher neveu, je n'hésite pas à vous donner ce nom dès à présent, car qu'est-ce qui pourrait maintenant empêcher cet heureux événement de s'accomplir ? Votre lettre m'emplit de joie, quoiqu'elle m'ait peu surpris. Voulez-vous que je vous dise ce qui me paraît la très sûre garantie de votre bonheur réciproque ? C'est la parfaite éducation que vous avez reçue. C'est ce fait que vous avez, au milieu des séductions de l'opulence, la persévérance, l'amour du travail, l'amour et l'imperturbable habitude. Vous en aviez, il est vrai, d'éclatants exemples auprès de vous. Mais l'expérience a trop montré qu'en cela, l'exemple n'est guère communicatif chez les familles riches. Vous ne serez pas seulement un mari modèle, vous serez un très bon père de famille. Vous savez le nom que Louis XIV donnait à Madame de Maintenon, qui peut-être ne le méritait guère ? Il l'appelait « votre solidité ». C'est le nom que Suzanne devra vous donner au milieu d'autres plus doux. Je n'essaie pas de deviner ce que, dans la tendresse réciproque, elle vous donnera en retour. Thomas Boucher, quelles ont été vos premières impressions à la lecture de cette lettre de Michel Chevalier, donc l'oncle de Suzanne, à Émile II ? Il faut lire un peu entre les lignes. Alors, j'espère ne pas forcer l'interprétation. J'ai quand même l'impression que cette idée de la famille est une idée importante parce que elle explique à quel point le monde des Saint-Simoniens, auquel se rattachent aussi les Pereire, est un monde de circulation entre les individus, de rapprochement, de construction en commun d'un certain nombre de projets, en l'occurrence pas mal ici des projets industrialo-financiers, mais aussi des projets de vie, tout simplement. Et il y a dans la lettre de Chevalier une alliance assez intéressante entre un pragmatisme bien compris et puis une effusion qu'à mon avis, il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il parle de tendresse, qu'il parle de plaisir, de bonheur. Michel Chevalier ne cache pas son plaisir, sa satisfaction. Et cette satisfaction, c'est aussi, me semble-t-il, une satisfaction d'ordre sentimental. Et le Saint-Simonisme a aussi parmi ses objectifs celui de réconcilier les religions du livre. C'est pour ça que le mariage dans une perspective saint-simonienne, le mariage en question est pas du tout aberrant. C'est pas un problème de fond. Catholicisme, protestantisme, judaïsme et même islam. Un certain nombre de saint-simoniens s'intéressent de très très près à l'islam. Enfantin et un autre encore qui a fait l'objet de travaux et de biographies et qui est tout à fait fascinant, qui s'appelle Ismaïl Urbain. Et qui va jusqu'à la conversion. Donc cette ouverture sur le grand large et le grand monde passe aussi par une politique matrimoniale particulièrement audacieuse. Pourquoi cette ouverture aux étrangers, à ces élites non nobles, non catholiques, se passe spécifiquement sous le Second Empire, Xavier Mauduit ? Louis-Napoléon Bonaparte vit une grande partie de sa vie en exil. Après la chute du Premier Empire, il est obligé de fuir. Il est très proche, dans un premier temps, des Carbonari, donc proche, on va dire, des idées qu'on pourrait situer très à gauche. Et il construit des théories, notamment l'extinction du paupérisme, avec beaucoup de réflexions, beaucoup de lectures. Il faut dire qu'il passe 6 ans en prison au Fort de Ham. Ça laisse du temps pour lire. Et il est baigné de toutes ces idées-là qui sont à la base du bonapartisme. Quand il arrive au pouvoir, on est en 1848 pour l'élection présidentielle, on est en 1852 pour la proclamation de l'Empire. Napoléon Ier est déjà dans la légende. C'est pas Napoléon qui arrive au pouvoir, c'est le bonapartisme. Et c'est complètement différent. Le bonapartisme, c'est une réflexion politique qui naît dans les années 1820, après la lecture du mémorial de Sainte-Hélène. C'est une revisite de ce qu'a fait Napoléon Ier, mais matinée des réalités du temps, notamment l'industrialisation. Louis-Napoléon Bonaparte a vécu en exil en Angleterre, donc il a vu ce qui se passait là-bas. Il est très conscient de l'évolution du monde et il veut appliquer ses idées en France. Donc Louis-Napoléon Bonaparte est un homme cosmopolite, c'est-à-dire qu'il est en lien avec tous les gens qu'il a pu connaître en exil, et on le retrouve dans sa maison, la maison du souverain. On a des gens qui viennent d'un peu partout. Et parmi toutes ces élites, il y a celle de la banque et de la finance, et il va tout mettre en place pour les intégrer. Vous voulez faire partie de l'élite, c'est très simple, il y a des choses à respecter qui sont la richesse, effectivement, la propriété à Paris, la propriété à la campagne. Un peu de villégiature, c'est pas mal, hein. Biarritz, Deauville, construite par Morny, le demi-frère de l'empereur. Des domestiques, bien sûr. Une manière d'être, une manière de se comporter. De l'usage et de la politesse dans le monde, par la baronne de Fresnes, 1858. Les trois bans sont publiés à votre mairie. Après avoir délivré votre acte de naissance et obtenu le consentement de vos parents, 11 jours après la publication, si vous avez 18 ans et si votre femme en a 15, vous pouvez vous marier. Le mariage à la mairie est seul valide devant la loi et devant les hommes, et précède d'un ou deux jours le mariage à l'église, qui cependant se fait parfois le même jour. Pour faire partie de l'élite, il n'est plus besoin de faire partie d'une famille. On n'a pas besoin d'être fils d'un noble d'Ancien Régime, comme ça a été longtemps le cas, par exemple. Donc le mariage Pereire-Chevalier ne pose pas de problème dans l'esprit des gens autour de Napoléon III, en tout cas de Napoléon III, parce que autour de lui, certains sont offusqués, évidemment, mais on le sait bien, hein, autour du souverain, dans ce qu'on appelle communément la cour, il y a quand même des divisions très nettes. Mais Napoléon III, lui, qui a eu Auguste Chevalier comme secrétaire général de la présidence, qui est ami avec Michel Chevalier, qui a Fould, Achille Fould, comme ministre d'État et de la Maison de l'Empereur, ministre des Finances, juif aussi, converti au protestantisme, mais juif, allié au Pereire également. Donc on retrouve vraiment tout un réseau qui fait que l'alliance est logique. Et je pense que tout le monde a été surpris de la réaction en 1864 autour du mariage. Mais s'ils avaient pu anticiper ça, ils ne l'auraient pas fait ainsi. Lettre du nonce Chigi au cardinal Antonelli, le 28 mai 1864. Quelques semaines plus tôt, la messe a été célébrée. Je ne pourrais dire si c'était celle du jour où Pro Gratiarum actionné pour le juif Pereire avec une catholique, la demoiselle Chevalier. N'ayant pas voulu aller à la synagogue, la demoiselle n'a donc fait qu'un mariage civil. Les curés ne refusent jamais de célébrer la messe dans ces cas. Ils le justifient par le fait qu'ils ne doivent pas rechercher ou qu'ils ignorent le motif de la demande du saint sacrifice. Parmi les très nombreux invités de toutes conditions qui se sont rendus au domicile du riche financier, beaucoup, par une certaine pudeur, s'abstinrent d'aller à l'église. Dans ces circonstances, il s'est répandu dans Paris le mot d'un domestique, lequel, au sortir de l'église, a dit « C'en est trop, c'est se moquer de Dieu ». La présence du domestique lors du mariage est acceptable. Il attend, il est dehors, peut-être qu'il s'occupe d'une voiture, c'est tout à fait possible. Mais le domestique a cela de formidable qu'il est invisible. C'est pour ça qu'il porte une tenue spéciale. Il est habillé en domestique, il a une livrée dans les grandes maisons. Il doit être glabre, pas de distinction physique. On ne le voit pas, on lui donne un prénom qui n'est peut-être pas le sien, parce que celui d'avant s'appelait Nicolas et on veut aussi appeler le suivant Nicolas, même s'il s'appelle Eugène, peu importe. Donc le domestique, c'est une figure extrêmement facile à utiliser. Et on le voit très très bien dans les pamphlets contre Napoléon III, mais bien d'autres, les mémoires d'un domestique, les carnets d'un domestique. Donc le domestique a souvent été utilisé pour couvrir en fait une volonté de nuire. Et en l'occurrence là, on sait bien que les domestiques sont au cœur des maisons. Donc ils voient tout, ils entendent tout. Et ils peuvent dès lors être des indicateurs de police. Tout est possible autour de cette présence du domestique au mariage Pereire-Chevalier. Donc le domestique, c'est pratique. Les places doivent être ainsi prises dans les voitures de noces. La mère s'y assied près de sa fille, le futur et les autres parents se placent ensuite, les parents du futur sont dans une seconde voiture. Le père conduit sa fille en lui donnant la main jusqu'à la sacristie. Ensuite, c'est encore le père de la future qui ouvre la marche du cortège jusqu'à l'autel. Quand l'anneau est présenté au mari, il doit le prendre de la main droite nue et le mettre au troisième doigt de la main gauche de la mariée. Le mariage, en 1864, quand Pereire, Émile II Pereire épouse Suzanne Chevalier, est fait en grande pompe. Il faut bien montrer sa richesse, hein. On est vraiment dans un fonctionnement élitaire. Il est fait en grande pompe, mais il n'est pas fait par provocation. On est dans, vous savez, ces moments de transition où quand il y a une transition, il ne faut pas aller trop fort parce que c'est là où on braque. Et le même mariage, au début de l'Empire, il n'aurait pas pu se faire parce que les tensions étaient beaucoup trop fortes entre l'Empire et la papauté. Vous savez, il y avait tous ces problèmes qui sont toujours les mêmes durant tout le Second Empire sur l'unité italienne. Napoléon III, quand il était jeune, donc Louis Napoléon Bonaparte, a milité pour que l'Italie soit unifiée, ce qui déplaît au pape, parce que ça veut dire que ses États sont compromis. Donc, il se met à dos l'ensemble des catholiques français. Donc, sa politique sans cesse, c'est de jouer du balancier pour s'attirer tous les catholiques sans renier ses idéaux qui sont l'unité italienne et puis la place du pape en Italie. Donc, dans les années 1860, les tensions sont toujours là, on le sait bien, mais les conditions sont réunies pour que le mariage soit possible. Celui qui est censé autoriser ou refuser le mariage, c'est l'archevêque de Paris. Le mariage se passait à Paris. L'archevêque de Paris, Monseigneur d'Arbois, est le grand aumônier de l'empereur. Et il est plutôt gallicant, c'est-à-dire qu'il est lui-même en tension avec le pape. Alors, d'Arbois vient d'arriver à Paris, enfin de revenir plus exactement à Paris, puisqu'il a été nommé archevêque à la mort du cardinal Morlot, donc en 1863. Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien la capitale, puisqu'il y a fait toute sa carrière, ou une grande partie de sa carrière, jusqu'en 1859, et entre 59 et 63, il a été évêque de Nancy. Jacques-Olivier Boudon. C'est un personnage qui est très particulier dans le cadre de l'épiscopat français de cette époque parce que il est très hostile à Rome. Il a été repéré par le Saint-Siège comme étant un adversaire dès les années 1850 et sa nomination à Nancy puis à Paris a été très mal vue par le pape, par le secrétaire d'État, ce qui explique que à la moindre occasion on cherche du côté romain à le piéger, pourrait-on dire, en tout cas à contrôler ce qu'il fait à Paris. Et le mariage Pereire-Chevalier n'est qu'une étape d'un différend qui va être très long et qui finalement va durer jusqu'à la fin de l'Empire, jusqu'au Concile du Vatican, puisque d'Arbois sera l'un des opposants à la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Politesse et savoir-vivre par Madame Bourdon, 1860. Le sacrement de mariage vous amènera aussi à l'église. Si vous y paraissez comme partie contractante, souvenez-vous que votre parure, quelque riche qu'elle puisse être, doit se distinguer surtout par une scrupuleuse modestie. Vous aurez, je l'espère, réfléchi à la gravité des devoirs que vous allez embrasser. Et il ne vous sera pas difficile de conserver un maintien sérieux pendant la cérémonie et la bénédiction nuptiale. Et en ce sens, d'Arbois est tout à fait conforme à la ligne qu'il a toujours défendue. En 1848, par exemple, au moment de la Seconde République, il était républicain, démocrate, comme une partie du clergé parisien. Et c'est par attachement à ses idées démocrates, au principe de 1789, qu'il s'est rallié à l'Empire, ce qui peut paraître paradoxal quand on sait que l'Empire n'est pas totalement respectueux des principes de 1789, mais il fait l'analyse que l'Empire, qui repose sur le principe de la souveraineté nationale, est le meilleur rempart à ses ennemis jurés que sont les intransigeants, les ultramontains comme on les appelle parfois, mais on préfère dire aujourd'hui intransigeants, c'est-à-dire des hommes comme Louis Veuillot, à la tête de l'univers, comme le cardinal Pie, évêque de Poitiers, des hommes qui défendent la cause du pape, alors que d'Arbois, lui, considère par exemple que le pouvoir temporel du pape est un anachronisme et que le pape doit laisser l'unité italienne se faire. Alors c'est un personnage qui est également très particulier dans la mesure où c'est quelqu'un de très austère dont on a pu dire qu'il avait une piété jansénisante, ce qui là aussi contraste par ailleurs avec le fait qu'il est très souvent à la cour et qu'il est confronté à la vie de cour, à cette fête impériale. Donc c'est un personnage ambivalent, mais dont on peut retenir que finalement ce qui a conduit son action, c'est cet attachement à la liberté, Lorsqu'il est fusillé par les communards en mai 1871, parce qu'il a joué un rôle très important auprès de Napoléon III et parce que c'est un symbole de l'Église catholique, lorsqu'il est fusillé, il déclare « Et pourtant, j'ai aimé la liberté ». Le mariage entre un catholique et un malheureux être qui a été privé du baptême ne peut avoir lieu qu'autant qu'il est autorisé par notre Saint-Père le Pape. Ainsi, un mariage contracté sans cette autorisation entre un chrétien et un israélite ou un mahométan sera toujours nul aux yeux de l'Église. Finalement, qu'est-ce qui fait scandale dans cette affaire ? Parce qu'il n'y a pas eu de mariage catholique entre ce fils Pereire, Émile II et Suzanne Chevalier. Ce qui fait scandale, c'est l'idée qu'une messe normale, c'est la messe du jour, qui a été dite par le curé de la paroisse, ait en fait été transformée en quasi-messe de mariage, avec bénédiction des anneaux, avec présence d'un mobilier particulier, d'un faste particulier, tel qu'on le déploie lors des messes de mariage. Il faut rappeler que tout est extrêmement codifié à l'époque, le nombre de prêtres présents pour une messe, le nombre d'enfants de chœur, le déploiement de la musique, des lumières aussi à travers les cierges, etc. Tout cela indique à quel type de messe on a affaire. Alors là, visiblement, le curé a laissé se développer un faste qui est inhabituel pour une simple messe d'un jour ordinaire. C'est une preuve de savoir-vivre pour les invités d'être arrivés à l'église au moment où y entre la mariée. On s'incline quand elle passe devant vous si l'on est près de l'endroit par où elle passe. Le marié et sa famille viennent chercher la mariée et les siens. Le marié offre le bouquet de noces à sa fiancée. Il doit être entièrement blanc. Donc, en mai 1864, un mois après le mariage, le nonce de Paris, Vincent Gourdon, qui est en fait une sorte d'ambassadeur du Saint-Siège, du pape pour la France, donc qui est installé à Paris et qui contrôle d'une manière générale ce qui se passe dans l'Église de France, apprend ce mariage et ce qui lui pose problème, c'est qu'il a le sentiment qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes à Paris, des mariages mixtes catholiques protestants, catholiques juifs et catholiques orthodoxes. Il dénonce cette tendance à son interlocuteur à Rome, le cardinal Antonelli, qui est le responsable de la secrétairerie d'État du Saint-Siège, qui a en charge notamment la gestion des relations avec les nonces dans les différents pays catholiques. Et en particulier, il dénonce le mariage qui vient d'avoir lieu entre Suzanne Chevalier et Émile Pereire. Le nonce, qui s'appelle Flavio Chigi, exprime le fait qu'il faut s'intéresser à cette ambiguïté de la présence d'une messe à l'intérieur de cette cérémonie de mariage mixte, messe qui normalement est interdite par la discipline catholique. Flavio Chigi est quelqu'un qui réagit très fortement aux évolutions religieuses de la France au XIXe siècle, en particulier depuis la Révolution française, et qui voit dans ce mariage, dans des milieux proches de la cour impériale, le symbole d'une remise en cause de l'autorité de l'Église, des valeurs catholiques. Et il explique que les catholiques n'ont plus honte de s'unir en mariage à des juifs. Et il s'interroge sur le fait que si ces familles des élites parisiennes y trouvaient de l'intérêt, elles ne seraient pas loin d'accepter d'épouser des musulmans, voire des chinois, dit-il dans sa lettre au cardinal Antonelli. Chacun adresse son petit compliment aux deux époux en leur serrant la main avec effusion tout en passant assez vite. Un mot du cœur suffit. Pourquoi le mariage va poser autant de problèmes ? On ne s'y attend pas. Mais quand même, il y a des petits indices qui montraient les tensions un petit peu avant le mariage. Je pense à une pièce de théâtre. Le théâtre, c'est magnifique sous le Second Empire au XIXe siècle en général parce que ça focalise toutes les tensions, même politiques. En 1859, l'empereur se rend au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Il va voir une pièce qui s'appelle « La tireuse de cartes ». Bon, ça pose pas de gros problèmes. Porte-Saint-Martin, théâtre populaire, mais bon, une fois de temps en temps, ça passe. L'histoire, c'est sur l'enfant Mortara. Enfin, c'est une affaire qui, l'année précédente, en 1858, avait posé de gros problèmes en Italie. Un enfant juif avait été baptisé en secret par la nourrice. Et l'Église, apprenant ça, retire l'enfant aux parents. S'il est baptisé, il ne peut pas être élevé dans une famille juive. Une pièce de théâtre a donc été écrite et l'empereur va la voir. C'est Victor Séjour qui a écrit la pièce, mais en collaboration avec un autre auteur qui est Mocquard, le secrétaire particulier de Napoléon III. Et là, d'un seul coup, tout devient politique. On observe l'empereur et l'impératrice qui est là. Alors, les Goncourt disent, bon, l'impératrice, elle se cache derrière son éventail pour pleurer. Parce qu'il y a un côté mélo, elle adore ça, c'est ce qui l'attire au théâtre, le mélo, donc elle pleure derrière son éventail. Mais l'empereur, lui, il applaudit. Et ça, c'est extrêmement choquant. Parce que la pièce dénonce la position de l'Église très très dure qui retire un enfant juif à ses parents. Ah, quelle horreur! Vous voyez, donc là, il se passe quelque chose. Et le fait que le secrétaire particulier de l'empereur se soit saisi du sujet, que l'empereur aille voir la pièce, montre quand même que tous ces petits détails qui pourraient faire partie du privé ou de l'intime, en fait, ont une résonance politique. Évidemment, c'est le souverain qui est là. Donc, Flavio Chigi écrit à Antonelli, et Antonelli répond en juillet, donc 2 mois plus tard, et il demande que soit menée une enquête sur les pratiques parisiennes et sur les abus que semble montrer l'affaire d'Émile Pereire et de Suzanne Chevalier. Brouillon de l'annonciature concernant l'enquête confiée à l'abbé Falsimagne. Des abus perpétrés avec la complicité du clergé parisien. Donc. Alors, c'est tout l'enjeu du débat. Effectivement, la question, c'est de savoir si on a affaire à des abus qui sont acceptés par une partie du clergé parisien. Et aussi, Antonelli demande à savoir quand sont apparus les éventuels abus repérés. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel est en gros l'archevêque qui serait d'une certaine manière responsable de l'apparition de ces abus. Depuis combien de temps observe-t-on ces abus ? Donc, le nonce fait lancer une enquête par un de ses informateurs l'archevêché, qui s'appelle l'abbé Falsimagne, et il le fait sans le dire à l'archevêché. C'est-à-dire que vraiment, c'est en clandestin, il fait une enquête clandestine avec un informateur qui doit être un proche du camp ultramontain, a priori, donnant de la ligne dure anti-révolutionnaire, anti-libérale, pro-Saint-Siège, etc. Et il apparaît qu'en fait, à Paris, l'archevêché et les prêtres de paroisse se trouvent confrontés à des demandes des familles qui veulent en gros avoir un rite très très proche du mariage normal, de la ritualisation normale, et qui, pour l'obtenir, demandent une messe. Et les prêtres et l'archevêché font semblant de ne pas savoir pour quelles raisons précises est demandée cette messe. Prétextant qu'ils n'ont pas à chercher pourquoi on fait une demande de messe. Mais évidemment, tout le monde a compris que c'est une messe en l'honneur du mariage qui a lieu. Et donc, visiblement, pour Chigi et pour son informateur, l'abbé Falsimagne, qui rendra son rapport à l'automne, en septembre 1864, il y a un laxisme très clair de l'officialité, c'est-à-dire des autorités épiscopales. Il explique que les prêtres de paroisse sont confrontés à un manque de soutien de l'archevêché et donc ne peuvent pas refuser aux familles, lorsqu'ils sont en tête-à-tête avec elles, ces adaptations. Et en fait, il rend responsable très clairement l'archevêque, Mgr Darbois. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il demande en fait d'une certaine manière à ce qu'on redise à l'archevêché qu'il faut être strict. Évidemment, le problème, c'est que on n'est pas à Rome, on est à Paris en 1860 et que la France ne fonctionne plus sur une dimension théocratique. Après votre mariage, sauvez-vous à la campagne. Et vous éviterez ainsi l'ennui du dîner de noces et ses affreuses plaisanteries. Et le bal de nuit, qui n'est pas moins ridicule. En fait, Darbois, finalement, il est tout à fait dans la ligne de ce clergé parisien, qui est très particulière aussi parce que à Paris, la pratique religieuse est très faible, ce qui explique que le clergé soit beaucoup plus tolérant à l'égard des paroissiens, en particulier ceux qui viennent très rarement à la messe, sauf aux grandes fêtes, comme les mariages, mais aussi les premières communions, les baptêmes. Et Darbois, au moment même pratiquement où s'opère le mariage, où se fait le mariage Chevalier-Pereire, est l'un de ceux qui va recommander au gouvernement français d'interdire la publication en France du syllabus. Le syllabus, c'est cette fameuse condamnation des 80 erreurs qu'a pointé le pape au cours de son pontificat, condamnation du mariage civil et plus généralement de tout le droit civil, condamnation aussi de la Révolution française, de ses principes, du libéralisme, du socialisme. Parce que finalement, le syllabus, la principale proposition, la 80e, c'est l'idée que on ne doit pas transiger avec les idées de la Révolution française. D'où le terme d'intransigeant. Parfois pas très bien compris, intransigeant, c'est ceux qui refusent de transiger. Et de transiger avec quoi ? Avec la Révolution française et ses principes. Cette condamnation, Darbois ne la comprend pas et il va recommander, puisqu'il est très proche de Napoléon III, il est grand aumônier de l'empereur, donc il est sans cesse aux Tuileries, il va recommander à Napoléon III d'interdire la publication en France du syllabus. Alors, bien sûr, le texte est connu par la presse, mais les évêques n'ont pas le droit, avec leur autorité, de le faire paraître en France, ce qui va là encore accroître le conflit entre Darbois et le pape. Donc c'est assez compliqué, mais il y a un point qui est important, c'est que l'enquête de Falsimagne montre que sur les enjeux les plus importants, notamment le fait de demander des autorisations, des dispenses, puisqu'en fait normalement un mariage mixte est interdit du point de vue de l'Église catholique, il faut donc une dispense. Mais là, on a affaire à un jeu sur la ritualisation. C'est-à-dire, on demande une messe, on ne demande pas un mariage mixte. Et finalement, on a une dérive, du point de vue catholique bien entendu, de la pratique rituelle. Donc, aucune demande de dispense n'a été demandée par la famille de Suzanne Chevalier pour contracter ce mariage. En tout cas, la demande, si elle a eu lieu, n'a pas été accordée en 1864, puisque les registres de l'archevêché de Paris de l'époque ne les n'enregistrent pas d'autorisation pour ce mariage du point de vue catholique. La nouvelle épouse ouvre le bal avec la personne la plus honorable de l'assemblée, ou bien avec le marié. Elle se retire mystérieusement, accompagnée de sa mère et d'une ou de plusieurs proches parentes que l'on veut honorer. Les gens de la noce ne doivent pas sembler s'en apercevoir. Évidemment, il y a un fond d'antijudaïsme chez les catholiques, mais dans l'affaire présente, ce qui est surtout très important, c'est la défense, non seulement de la tradition catholique, mais des règles, des dogmes, donc la défense du mariage religieux comme étant un intangible, en quelque sorte. Parce que derrière tout cela, il y a l'idée d'une société qui serait une société totalement chrétienne, c'est-à-dire totalement catholique, où l'on ne se marierait qu'entre soi. Et c'est donc, à certains égards, le rejet des minorités, mais pas en tant que minorité, mais comme échappant à la tutelle de l'Église. Parce qu'à la même époque, il y a aussi tout un mouvement de conversion du judaïsme vers le catholicisme qui est parfaitement admis et qui est même encouragé. L'idée étant en effet que les représentants des minorités religieuses regagnent le giron de l'Église catholique. Parce que la question qui se pose lors d'un mariage, c'est la descendance. Dans quelle religion vont être élevés les enfants. Qu'est-ce que ça va donner ? Et donc l'Église se pose un vrai souci, celui du renouvellement des troupes. Il faut que les enfants soient catholiques. Très clairement, lorsque la dispense est accordée, Cyril Grange, les conjoints s'engagent à ce que les enfants soient éduqués dans la religion catholique et même, a priori, on espère que le conjoint lui-même se convertira au catholicisme dans un futur pas trop lointain. Et alors, dans le travail que j'avais réalisé sur les familles de la grande bourgeoisie juive, c'est vrai que j'avais pu observer un certain nombre de conversions assez rapides après la célébration du mariage. Généralement, dans la haute société juive, quand ils épousent un parti catholique, ils se convertissent avant. Pour ceux qui ne le font pas, ils le font après assez rapidement. Et on voit bien qu'au niveau de la descendance, les enfants sont élevés dans la religion catholique et que par ailleurs, il est extrêmement rare qu'ils épousent à ce moment-là eux-mêmes des partis juifs. Et vous voyez, dans ce mariage chevalier-Pérère, les noms des conjoints des enfants issus de ce mariage, c'est des noms Bousseau, Charlotte Bousseau, Rose Gautet, Amédée Albi. On n'est pas du tout, je dirais, dans une population juive, de bonne ou de haute bourgeoisie. Toutes ces familles sont liées. Les familles juives, Pereire, mais aussi Rothschild, Fould, se lient elles-mêmes avec d'autres familles des élites de tout type, hein, que ce soit même de la vieille noblesse, des orléanistes. Et ce qui me semble vraiment important sur cette période Second Empire, c'est que c'est plus quelque chose qui est dans le sang. Et cette notion de sang qui se développe à la fin du 19e, qui crée la notion de race, elle est complètement étrangère à ce moment-là au Second Empire. Là, on est encore dans une distinction des gens selon leur appartenance sociale. À quel milieu appartenez-vous ? Tout part en vrille après. Tout part en vrille après parce qu'on ne peut plus s'échapper de ce que l'on est. Alors que là, avec le mariage de 1864, c'est juste, on va dire, un mouvement accéléré de ce qui existe depuis le début du 19e siècle. Les gens de bonne compagnie ne font pas de noces. On se marie à la mairie un jour ou deux avant, à l'église de 10h à midi, et cela en grande pompe. En sortant de l'église, il y a un déjeuner de famille. La mariée prend une modeste toilette. Il est du plus mauvais goût de chanter à un repas de noces. Alors, on est à une époque où l'église est encore très forte dans le pays, même à Paris. Ça peut être paradoxal. Je disais que la pratique était faible. En même temps, les églises sont pleines. Elles sont pleines parce qu'elles ne sont pas très nombreuses. Il y a eu peu de constructions. Il y en a quelques-unes sous le Second Empire. Donc, l'impression que l'on a quand on visite Paris, c'est d'une ville qui est en plein renouveau sur le plan religieux. Rien que sous le Second Empire, on a construit près d'une vingtaine d'églises, ou reconstruit une vingtaine d'églises, c'est-à-dire le quart des églises, c'est un effort pratiquement comparable à ce qu'on a vu à l'époque médiévale. Il y a eu des créations de paroisses. C'est une église qui est tout de même très, très visible. Il faut se souvenir que les prêtres circulent dans la ville, en soutane. Il y a des religieuses et des religieux un peu partout. Bref, l'encadrement clérical est très intense. C'est ce qui d'ailleurs explique l'anticléricalisme particulièrement virulent à Paris. Une population qui est très largement déchristianisée et qui voit des prêtres et des religieuses partout, qui a l'impression d'une invasion de la ville par ce clergé. Donc il y a aussi ce contraste d'un Paris qui est à la fois ce que j'ai pu appeler dans un ouvrage une capitale religieuse de la France et en même temps la ville la plus déchristianisée du pays. Dans le mois du mariage, les jeunes mariés font ordinairement des visites aux amis des deux familles que leur union a rapprochées. Cette visite doit être rendue aux nouveaux époux. Mais de même que ceux-ci ne doivent pas la faire à une époque trop rapprochée du jour de leur noces, de même, il ne faut pas se hâter d'aller porter en quelque sorte l'indiscrétion dans l'intérieur des jeunes gens, encore tout éclairés des lueurs mystérieuses de la lune de miel. Un an plus tard, Darbois va recevoir une nouvelle lettre de mise en garde du pape en octobre 1865. Le pape lui reproche en fait d'avoir pris position contre le syllabus, mais lui reproche aussi un autre fait qui renvoie à une autre cérémonie religieuse, d'avoir assisté aux obsèques religieuses du grand maître du Grand Orient, le maréchal Magnan, très proche du ministre de Napoléon III, et de l'avoir fait alors que les insignes maçonniques auraient été présents, ce qui, pour la papauté, est un scandale absolu. Et cette lettre va être publiée 3 ans plus tard, elle aurait dû rester secrète, et elle va provoquer un tollé dans le monde catholique, au point que Darbois n'obtiendra pas le chapeau de cardinal qui lui était promis et qui avait été demandé pour lui par Napoléon III, parce que Rome n'accepte pas cette façon qu'a l'archevêque de ne pas répondre aux lettres qu'on lui envoie, de méconnaître finalement l'autorité de Pie IX. Et est-ce que cette affaire de scandale autour du mariage d'Émile II et de Suzanne va réussir à contribuer à la fragilisation du régime et de Napoléon III, Xavier Mauduit ? Je ne pense pas que le mariage contribue à fragiliser le régime, parce que nous nous trouvons à un moment où Napoléon III doit donner des signes de plus en plus nets à l'opposition de gauche, pour simplifier. Et le fait d'accepter une alliance, d'accepter le mot effort, mais enfin en tout cas de regarder de manière bienveillante une alliance entre un juif et une catholique venue chacun des élites, on va dire, d'avant-garde, celle de la finance et de la banque, mais celles vraiment qui sont en train de changer la France et globalement l'Europe et peut-être même le monde, le fait d'accepter tout cela est un signe aussi donné aux progressistes. Et dans la tension qui existe sans cesse sous le Second Empire entre cette gauche, on va dire le monde ouvrier, et le monde conservateur catholique, Napoléon III sent qu'il faut orienter le curseur plutôt vers le monde ouvrier, d'où les premières lois de libéralisation du régime en 1860 et qui vont conduire en 1869 à l'Empire libéral. Donc on est, je pense, plutôt dans ce jeu-là, ce qui fait que c'est très dur de juger à la place des gens parce qu'il faudrait des sources précises. Mais est-ce que ce mariage n'a pas non plus été utile pour donner un signe très fort à la gauche, plutôt anticléricale, même si on n'est pas dans un monde anticlérical, va falloir attendre encore quelques décennies. La religion est partout, mais en disant, regardez, vous, la gauche, comment moi, Napoléon III, empereur, avec mon grand aumônier, avec l'ancien secrétaire général de la présidence, avec mon ami Michel Chevalier, avec les Pereire, de qui je suis proche, regardez comment nous sommes dans un monde moderne. J'aime pas le mot modernité parce qu'il est galvaudé dans tous les sens, mais le mot modernité est créé en 1863 par Charles Baudelaire. Il parle de peinture, mais enfin bon, il apparaît à ce moment-là. Et le scandale provoqué autour du mariage donne à l'Église un aspect un peu archaïque, hein, un petit peu figé sur ses positions, et donne à l'Empire un côté un peu moderne. Merci à Marion Dupont, Vincent Gourdon, Cyril Grange, Jacques-Olivier Boudon, Géraldine Enoxberg, Thomas Boucher et Xavier Mauduit. Lecture, Daniel Königsberg, Sophie Doll et Hervé Claudilin. Prise de son, Yvan Turc, Frédéric Kérou. Mixage, Pierre Henry. On se moque de Dieu, les contrariétés d'un mariage mixte sous le Second Empire, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Anne Fleury. Nous continuons demain notre série consacrée au 19e siècle dans la fabrique de l'histoire et nous nous intéresserons, après cette histoire de mariage qui fait scandale, à la guerre au 19e siècle.